une marche pour le général international. Vous voulez envahir un pays, général international. Vous avez une crise monétaire, général international. Ce n'est pas n'importe qui.